cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhadna fi ad-dars as-sabiq ma yata'allaq bi al-wudu li kulli salat. Hukm al-wudu li kulli salat. والشيخ يحيى حفظه الله ذكر في هذه الرسالة أقوال. Il a cité plusieurs avis. Est-ce que, أو le jugement, quel est le jugement de refaire l'wudu pour chaque صلاة؟ عندما ذكر أقوال أن واجب على كل محدث نعم يجدد أي celui qui a perdu l'wudu. قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة إذا كنتم يامية إذا أردتم الصلاة وأنتم محدثون هذا التقدير العلماء إذن دي قوله هو إذا قمتم إلى الصلاة أي سيبوا لي في الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية الظاهر الآية سدكت في الصلاة في الوضوء لكن يا تقدير إذن دي إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون إذن دي با الوضوء فسأل قول كذلك قبل الصلاة لا بد نعم بعضهم ils ont pris dans l'aya ils ont dit le wudu c'est obligatoire pour chaque salat dès que tu veux faire salat tu dois faire le wudu t'as le wudu ou pas لكن هذا القول on a dit l'imam Nawawi بعد الى سيد الاجماع كانه استن قول قديم ثم العلماء اجمعوا على انه c'est pas واجب كذلك هنا الاقوال un قول qui ressemble au premier تذكر نعم إذا قمتم من النوم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أي إذا قمتم أي من النوم si vous vous réveillez et vous voulez faire salat مثلاً تدormi la nuit tu veux faire le fajr لا بد تتوضأ هذا القول في الحقيقة on a dit ماذا نعم يدخل في الأول لأن النوم c'est من نواقض الوضوء ça rentre في القول الأول أي si vous avez plus l'wudu vous faites الوضوء Et là, chaque celui qui dort, il a plus l'eau. Donc, en fait, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Quand il y a un peu de temps, il y a un C'était wajib. À l'époque. Thomas, surat Ma'ida, ce verset, il est descendu. C'est plus wajib. Comment il a rafché à l'aide de temps Il y a un peu de temps. Il y a un Anahum, il faisait salat avec, plusieurs salats avec un wudu. Ça montre que ce n'était pas wajib. Donc, il n'y a pas de nasr. Hadi aqwal. Fama wa al-qawlu sahih al-an. On a cité la majorité des aqwal. Ma wa al-qawlu sahih. Al-qawlu sahih, anna wajib ala kulla muhdith, anna tawadda. Na'am. Idha kumtu min al-salat, faghzilu, li anna ya amr. On a vu fil usul, anna l'amr, c'est l'il-wujub. C'est ça l'asli. Anna dès qu'il y a un ordre, La base, c'est que c'est obligatoire. إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَا فَغْزِلُوا Donc, l'amr, l'obligation, s'il a plus l'odo. Et s'il a l'odo Oui, amr nadb. Amr nadb, ay istihbab. S'il a l'odo, ce amr, c'est un amr istihbab, comme on l'a vu dans l'usul. L'amr, il se divise en deux. L'ordre, ça peut être obligatoire, ça peut être un amr, c'est pas obligatoire, c'est mustahab. Et un exemple, هنا. Si t'as l'odo, et refaire l'odo, c'est mustahab نعم celui qui l'a c'est mustahab c'est tayyib les hadiths qu'on a vu au début du dars au début du livre avec chaque goutte il y a des péchés qui partent il est tayyib si tu fais l'odo et t'as cette niya Ibn Omar il refaisait l'odo on a Mohamed ibn Sirin naqala anna al-khulafa al-arba' radiyallahu anhum il refaisait l'odo al-tayyib lakin c'est pas obligatoire قال الشيخ حفظه الله تعالى استحباب التسمية قبل الوضوء استحباب التسمية قبل الوضوء le titre est le حكم le titre الشيخ يحيى حفظه الله تعالى il cite le حكم استحباب التسمية il te montre que c'est مستحب التسمية أي dire بسم الله تسمي الله قبل الوضوء ça montre que التسمية c'est au départ c'est au début الآن تلا نية أو قبل ذلك تا préparé l'eau et si t'as préparé l'eau c'est que t'as la niya de faire l'eau ces deux babes on les a vus المياه و النية ثم on a vu une faïda est-ce que si j'ai déjà l'eau et مثلا j'entends l'adhan je vais aller au masjid est-ce que je refais l'eau on a dit c'est mustahab et tu peux faire salat les cinq salawat tu peux faire avec le même eau Tu peux faire le Fajr, le Dhuhr, le Asr, le Maghrib, le Isha avec le même wudu. C'est pas wajib de refaire l'wudu. On revient à la salat l'wudu, l'eau elle est prête, t'as la niya. Est-ce que tu dis Bismillah avant de commencer? Amla. Et ça nous montre, l'ulama ici de ce masala, l'ibadat tawqifiyya. Quand il dit qu'il n'y a aucun mal, on dit Bismillah. Là, il dit Allah Azza wa Jal, t'es obligé d'avoir des barahin, des adillah. Est-ce que c'est une sunnah amla? Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait amla? Est-ce que cette masala a des fondements, des usul? On pourra rentrer par ces usul pour dire que c'est mustahab. Ah, là c'est ça l'ilm. فالشيخ حفظه الله إلى ذلك أنها مستحب أن التسمية لمستحبة استحباب التسمية قبل الوضوء قال الإمام ابن كثير Vous avez remarqué depuis le début de la رسالة beaucoup de شيخ cite les كلام ابن كثير de l'imam قرطبي أي كلام المفسرين لماذا لأن الشيخ cette رسالة il explique سورة المائدة أو le verset de سورة المائدة le numéro 6 فلهذا il prend أقوال العلماء المفسرين par rapport à cette ayah. لهذا souvent il commence قال ابن كثير أي في الآية قال ابن الإمام ابن كثير رحمه الله ويستحب قال ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه ابن كثير يستدل قول أنه مستحب ويستحب أي avant de commencer le wudu يستحب c'est recommandé de dire بسم الله قلت أي الشيخ يحيى حفظه الله نعم يستحب أن يقول بسم الله عند البدء في الوضوء لعموم الأدلة في استحباب البدء بها في جل الأمور المشروعة كما بوب الإمام البخاري في كتابه الوضوء من صحيحه الإمام البخاري dans الصحيح au départ au début du صحيح il y a كتاب الوضوء il cite beaucoup de مسائل il cite des titres مفيدة ثم il cite des أدلة des حديث تحت الباب هذا c'est مهم العناية به et ça vous montre فقه الإمام البخاري comme ils disent les ulama أن فقه الإمام البخاري في الأبواب لأن الإمام البخاري الجامع الصحيح c'est des hadith qu'il a répertorié avec des titres par des abouab fiqhiyya الوضوء والصلاة الصيام إلى آخره لكن son فقه رحمة الله عليه il est dans le bab il cite un bab il y a des فوائد عظيمة c'est pour ça on a déjà expliqué أن بعض العلماء ils ont expliqué الأبواب فقط الآن اسمع الباب qu'il a cité pour te montrer son avis il cite un bab هو Abu Abd al-Imam Bukhari, imma il cite son avis. C'est un peu, maintenant il dit, istihbab telle chose à recommander. Je comprends que l'Imam Bukhari pense que cette chose est le mustahabba. Thomas il a pu avec des hadiths. Ahyanan il cite un peu pour te montrer un qawl daif. Maintenant il n'est pas d'accord avec un qawl. Il cite un peu et il met des adillah qui contredisent le peu. Pour te montrer un cet avis qui est répandu, beaucoup d'Abu Abd maintenant il montre des erreurs de Abu Hanifa, rahimahullah. Il cite un de ses avis, Thomas il cite des adillah qui contredisent le bab. Qu'est-ce qu'il veut l'imam Bukhari? Te montrer que cette mas'ala, cet avis, il n'est pas sahih. Et il te montre des hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui contredisent ce qawl. Les abouab, ils sont azim, jiddan. Et c'est une des différences entre le Bukhari et le muslim. Et c'est une des causes que l'ulama, ils ont fait passer sahih le Bukhari avant sahih le muslim, l'abouab. Là, le muslim, il n'a pas d'abouab. Celui qui a cité les abouab, c'est al-Sharih, l'imam al-Nawawi. Mais l'imam muslim, il a cité les hadiths, il a cité que des kitab. Kitab al-Wudu, et il cite tous les hadiths. Kitab al-Salah, il cite tous les hadiths. Mais le Bukhari, là, kitab al-Wudu, tout le monde a dit chapitre. Bab, telle chose, il cite deux hadiths, ou trois. Bab, il cite un hadith. Bab, tous ces abouab, fiha ilmun ghazir. Qala, al-an, on revient au bab. Qala, kama bawab l'imam Bukhari fi kitab al-Wudu min sahihih, wa dhakara hadith ibn Abbas, law anna ahadakum, idha ata ahlahu, faqala bismillah al-hadith. تأمل الفقه الآن تأمل العلم يسيت أن باب الإمام بخاري استحباب التسمية إلى أن شابتر هكذا c'est recommandé de dire تسمية en dessous de ce chapitre ce titre qu'il a cité الآن يسيت ce حديث لو أن أحدكم إذا أتى أهلا فقال بسم الله الحقيقة le حديث qu'il a cité il n'y a aucun rapport avec الوضوء لكن qu'est-ce qu'il veut l'Imam Bukhari il te montre que si avant d'avoir des rapports avec ta femme, tu dis bismillah, famim babi awla, avant de faire l'eau, tu dis bismillah. Là, t'as ammal le bab et t'as ammal le hadith. C'est ça l'ilm. Qala, law anna ahadakum ida ata ahla, fa qala bismillah al-hadith. Qala al-shaykh, amma thubut nas, fi ijabiha ou istihbabiha, fa qala l'imam Ahmed, laysa fihi shay'un thabit. On revient au bab de l'imam Bukhari, l'haqiqa. L'imam Bukhari sait très bien qu'il y a des hadiths qui montrent. Des hadiths sarihah Il sait qu'il y a des hadiths avant de commencer de dire bismillah. Il sait qu'ils sont tous da'if. C'est pour ça qu'il a dit tasmiyat istihbab tasmiyat l'wudu dans son sahih, et il cite un hadith qui n'a rien à voir pour démontrer que tous les hadiths qui sont venus te faire tasmiyat, ils sont da'if. Thomas, il te montre un atout de bismillah avec cette règle. Et les choses importantes, tu dis bismillah. Il cite un exemple avec, avec ce hadith d'Ibn Abbas. Law anna ahadakum ida ata ahla. Hada. Ça montre fiqh hada ar-rajul. Wuffiqa rahimahullah. Al-an, on sait, nous, il n'y a pas un nas. Il n'y a pas un nas. Un nas, ça veut dire quoi? Un hadith clair qui montre avant l'odo, tu dis bismillah. Ma vie. Il y a des hadiths qui sont faibles, comme a parlé l'imam Ahmed. On répète, قال الشيخ أما ثبوت نص في إيجابها أو استحبابها فقال الإمام أحمد ليس فيه شيء ثابت. تأمل قوله ثابت. يا دي حديث ما يسون فيه لما حديث صحيح ما فيه. قال ولمعرفة مزيد من الأقوال وعلى الأحاديث المسألة انظر التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر. قال أول باب سنن الوضوء. قال وبعضهم استدل على استحباب حديث أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجد فقال هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الإناء فقال توضأوا بسم الله. قال الشوكاني في نيل الأوتار أصله في الصحيحين بدون قوله توضأوا بسم الله. Imam Bukhari, il a cité le hadith, c'est sahih, mais il n'a pas cité qawlu tawadda'u bismillah. Il y en a pour lui, il est da'if. Le hadith, il est sahih, mais ce rajout, il est da'if. L'imam Bukhari, il n'a pas cité. Ça te montre qu'il n'y a rien de thabit dans le mas'ala. Qala al-shaykh, hafidhahullah, qultu hiya ziyadatun laysat sahiha. Elle n'est pas sahiha. Kama bayyanna fi tahqiq as-sunan as-sughra lil-bayhaqi. Non, al-shaykh, il a haqqaq ce livre as-sunan as-sughra. Et on l'avait étudié à Dammaj. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري كتاب الوضوء شرح حديث ابن عباس لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله قال وفيه أن التسمية عند ابتداء كل عمل مشروع مستحب. Pourquoi l'imam Bukhari il cite un bab, c'est recommandé de faire l'wudu, de dire bismillah avant l'wudu. Thomas il cite un hadith, celui qui va avoir des rapports avec sa femme il dit bismillah. Il est où le rapport? Ibn Battal il te montre que l'imam Bukhari veut te montrer que al-jima' c'est quelque chose d'important. Il nous a montré de dire bismillah. L'imam Bukhari dit à l'odo, c'est même bab et aoula. C'est quelque chose d'important, c'est une ibada, c'est un des plus grands shartes de salat. Tu dis bismillah. Qala tabarrukan biha wa istish'aran anna Allah huwa al-muyassir lidhalika al-amal wa al-mu'in alayhi. Hada tayyib, il te montre pourquoi on dit bismillah. Tabarrukan bismillah. Il y a de la baraka. Kadalik bismillah, et tu sais que c'est Allah qui t'a facilité cette eau. Tu sais que c'est Allah qui t'a facilité de cette ibada et tawaffaq. Comme les gens ne font pas l'oudou, ils ne font pas le salat. Et toi tu dis bismillah. Min bab al-tabarruk, min bab al-shukr, min bab al-isti'ana kadhalik. C'est Allah qui m'a facilité ça. Qala wa kadhalika istahabba Malik. Ay l'imam Malik ibn Anas rahimahullah. Wa aammatu a'immati al-fatwa at-tasmiya 'inda al-wudu. Ça te montre aammat ahl al-'ilm. Ay la très très grande majorité, ils disent que c'est mustahab. وحجة الجماعة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الآية سورة المائدة. قال ولم يذكر تسمية. هذا دليل طيب. الله سبحانه وتعالى dans ce verset on va voir qu'il a cité le wajib. Vous avez remarqué il a cité فاغسلوا وجوهكم, il a pas cité les mains. Il y en a, toi quand tu commences السنة tu te laves les mains. L'obligation, elle commence le visage. Quand tu dis, les la bouche et le nez, ils n'ont pas été cités. Ils ont été cités, ils sont dans le visage. Ça englobe la bouche, le nez et le visage. C'est ça l'obligation. Tu commences par la bouche, le nez et le visage. Al-an, wajal istidlal. Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ayah, il a commencé par l'obligation, le visage. Il n'a pas commencé par le bismillah. Ça serait obligatoire, il nous aurait démontré subhanahu wa ta'ala, awalan ou du bismillah. C'est un dalil al-jama'a. أن التسمية لا بيت السيتي. قال فلا توجب غير ما أوجبه أوجبته الآية إلا بدليل. الواجب dans l'odo c'est cité dans ce verset. Maintenant les mains trois fois au départ ça n'a pas été cité, c'est مستحب. التسمية ça n'a pas été cité, c'est مستحب. وهكذا. قال فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قبل. قال وقد قال الإمام أحمد لا يصح بذلك حديث. Ça montre que l'imam Ahmed il a rejeté ce hadith, il est daïf. قال وقال ابن الملقن في الإعلام هي سنة عند الأئمة الأربعة. قال ابن قدامة في المغني إذا ثبت هذا فإن التسمية هي قول بسم الله تجيب بسم الله يتتغل يكفي هذا قال لا يقوم غيرها مقامها كالتسمية المشروعة على الذبيحة نعم وعند أكل الطعام وشرب الشراب وموضوعها بعد النية الآن يتمت الصيغة تجيب بسم الله La prononciation, je dis bismillah. Quand est-ce que tu l'as dit? Ba'd al-niyya. Et niyya, on a dit, c'est automatique. Tu t'es levé, tu prépares ton eau, khalas, c'est ta niyya. Tu veux commencer l'eau, tu dis bismillah. Qala qabl af'al al-tahara kulliha. Au départ. هذا الباب il est مختصر نافع. التسمية المستحبة والدليل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pas cité التسمية. Alors que ce verset, c'est les obligations de l'Urdu, donc elle est mustahabba. Kadhalik, le hadith qu'il a cité, Al-Bukhari, rahmatullah alayhi. Law anna ahadakum ida ata ahla, qala bismillah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kadhalik, beaucoup de hadiths qui montrent qu'il disait bismillah pour les choses importantes. Min babi awla, al-Urdu. Al-Sheikh Mohamed ibn Hizam, waffaqahullah, fi fath al-allam, al-mujallad al-awwal, kitab al-tahara, il a cité cette mas'ala. Avec un peu plus de détails, khassatan, les hadiths qui sont da'ifs. Al-Hafiz ibn Hajar fil Bulugh, il a cité le hadith. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في البلوغ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اخرجه احمد في المسند ابو داود في السنن وابن ماجه في السنن باسناد ضعيف قال في الحاشيه بعدين مدخل لماذا الى ضعيف قال ضعيف خرجه أحمد وأبو داود بن ماجه من طريق محمد بن موسى المخزومي عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبي عن أبي هريرة ساس الإسناد محمد بن موسى يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال وإسناده ضعيف لجهالة يعقوب وأبيه يعقوب يغبّر عن أبيه son père عن أبي هريرة يعقوب et son père ils sont majhouls donc on peut pas accepter le hadith قال وأبوه أشد جهالة منه قال البخاري لا يعرف له سمع من أبيه ولا أبيه من أبي هريرة هذا كلام البخاري البخاري دي أن يعقوب on sait pas est-ce qu'il a entendu عن أبيه et son père on sait pas est-ce qu'il a entendu الحديث من أبي هريرة et c'était مجاهيل فالحديث لا شك il est rejeté قال ولحديث أبي هريرة طريق أخرى عند الدار قطني deuxième إسناد تعلمون أن علم الحديث tu peux avoir un إسناد il est ضعيف tu peux avoir un deuxième il est صحيح il est Hassan, ou il renforce le premier. فَلِهَذَا فِي التَّحْقِيقِ العُلَمَا الْمُحَدِّدُونَ il cite Turuq pour te montrer est-ce que le hadith il peut être renforcé à Mlal. Un premier isnad il est ضعيف, واضح. Ya'qub et son père, c'est des majahid. Plus Ya'qub il n'a pas entendu son père il n'a pas entendu Abi Huraira. Tu n'as aucun doute qu'il est ضعيف. Et khasatan que tu as le kalam de l'imam Bukhari. Deuxième tariq. قَالَ مِنْ tariq Mahmoud ibn Muhammad al-Zafari. قال حدثنا أيوب ابن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. deuxième إسناد. محمود. il a entendu de أيوب عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. deuxième إسناد. toujours أبو هريرة le صحابي. لكن une deuxième chaîne de transmission إلى أبي هريرة. قال الدارقطني رحمة الله عليه الظفري ليس بالقوي. ça c'est un جرح. أن الظفري هذا ليس بالقوي. quand il dit ça l'imam Daraqutni c'est qu'il accepte pas son hadith الآن. وقال ابن معين سمعت أيوب النجار يقول لم أسمع من يحيى ابن أبي كثير سوى حديث واحد وهو حديث احتج آدم وموسى. on l'avait vu ce hadith في القدر. quand موسى il a rencontré آدم et lui a dit on est sorti de la jannah. تذكرون ce hadith في القدر. c'est le seul hadith que أيوب النجار il a entendu de يحيى ابن أبي كثير. qui c'est qui rapporte ça ابن معين. ابن معين il dit أن أيوب il lui a dit j'ai entendu qu'un hadith de Yahya ibn Abi Kathir فقط c'est hadith Adam et Moussa يحتج Adam على Moussa الآن ça c'est un hadith c'est fait l'ordre Yahya ibn Abi Kathir il ce hadith Yahya ibn Abi Kathir ou Ayyub il a jamais entendu ce hadith de Yahya ibn Abi Kathir il est ضعيف قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فعلى هذا يكون في السند انقطاع إن لم يكن الظفر دخل عليه إسناد في إسناد انقطاع et ربما الظفر il a mélangé les إسناد c'est trompé وله طريق ثالث troisième إسناد عند الدارقطني قال وفي إسناده مرداس بن محمد قال الذهبي لا أعرفه نعم وخبره في التسمية منكر الإمام الذهبي لا ديلي باكوني هذا السن حديد dans l'eau d'eau si tu dis pas bismillah l'eau d'eau il est باطل الإمام الذهبي قال c'est منكر هذا ce qu'il a rapporté هذا c'est منكر Ça te montre que les trois turuq l'an, elles sont daïf. Donc le hadith, il n'est pas accepté. كذلك قالوا للترمذي عن سعيد بن زيد كذلك الترمذي لا رابورتي عن سعيد بن زيد صحابي رضي الله عنه قال ضعيف كذلك من طريق ابي كانه ثوفان ينظر ضبط الاسم قال عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته بنت سعيد بن زيد عن ابيها واسناده ضعيف ابو ثوفان اسمه وائل بن الحسين وهو مجهول الحال ورباح ايضا مجهول الحال وجدته مجهوله الشكل ضعيف جدا Troisième tariq, قال وابي سعيد اي trois il y a trois hadith Abu Huraira on a vu les ضعيف deuxième hadith سعيد بن زيد عند الترمذي ضعيف troisième hadith قال المحقق اخرجه الترمذي وفي اسناده ربيح ابن عبد الرحمن ابن ابي سعيد قال ابو حاتم شيخ وقال احمد ليس بالمعروف وقال البخاري منكر الحديث dans le troisième hadith il y a ربيح ابن عبد الرحمن قال من البخاري الذي منكر الحديث الحديث اللي ضعيف جدا قال وللحديث طرق أخرى وشواهد انظرها في التلخيص والذي يظهر أن الحديث لا يتقوى بتلك الطرق نعم إلى des autres أسانيد il les a cité الحافظ ابن حجر في التلخيص لكن الحديث les pas renforcé il reste toujours ضعيف الإمام أحمد كذلك il a dit لا يثبت في ذلك شيء الإمام بخاري كذلك il a cité le bab et il a montré le أصل il a passé le hadith لأنه il est pas صحيح فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحديث اللي ضعيف هذا والله تعالى أعلم. Conclusion de tout ça, أن التسمية elle est مستحبة. نقرأ كلام الحزام إلى صدي أقوال العلماء. قال ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التسمية على الوضوء مستحبة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد الأئمة الأربعة. قال في أشهر الروايات عنه. قال الخلال أي أبو بكر صاحب السنة. قال الذي استقرت الرواية عنه أنه لا بأس به يعني إذا ترك التسمية نعم إذا مخنا قول الإمام أحمد يا plusieurs روايات لكن الأشهر son قول le plus répandu أنه يا pas de mal si quelqu'un délaisse التسمية ça montre que c'est pas obligatoire c'est مستحب ثم إلى سيدي أن بعضهم ils ont dit que c'était واجب وهو قول أهل الظاهر c'est قول شيخ بن باز كذلك الوجوب لعله رحمة الله عليه إلى حسن الحديث لهذا الخلاف الآن Quand vous avez des khilafs entre Ahl al-Ilm, beaucoup, la cause du khilaf, c'est par rapport au hadith. Maintenant, ce hadith, ceux qui vont dire qu'il est daïf, en général, ils vont dire que le tasmiya, elle est mustahabba. Ceux qui disent le hadith, il est tabit, avec toutes les turuq, qu'a Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, kadhalik, abon. Est-ce qu'il a cité Cheikh Al-Albani? Qala, na'am, wa huwa ikhtiyar al-allamah ibn Baz. Wa istadallu bi hadith al-bab, wa huwa dhahir ikhtiyar al-allamah al-albani. Rahmatullah alayhi, na'am. Cheikh Al-Albani et Cheikh Ibn Baz, ils ont vu que le hadith il était pour eux, le hadith il est thabit. Ils ont dit c'est wajib, parce que le hadith il est wadih. Les autres ils disent le hadith il est da'if. Il reste à l'istihbab. Ça te montre que la cause du khilaf c'est ça. Mais dans ce cas, tu ne peux pas le faire. Wahid il dit moi, bismillah pour moi c'est obligatoire, je dis toujours, tu ne peux pas le faire. Il a un hadith pour lui, c'est un talib ilm, il a compris le kalam l'ulama, il a choisi le qawl de l'ulama qui disent qu'il est thabit. Taïb, tu ne peux pas le faire. Toi, tu es un talib ilm. T'as pris le qawl comme quoi il est daïf. On a lu tous les isnad. Taïb, personne ne peut nous faire alik. C'est ça l'ilm. C'est ça l'adab avec le khilaf. Et ce khilaf, là, il est sa'ir. Personne ne te reprochera pourquoi tu dis bismillah ou tu ne dis pas. Donc, le qawl sahih, c'est annahu al-mustahabba. Qal wa huwa tarjih al-Bukhari, wa shaykh al-Islam, ibn Taymiyyah, wa al-San'ani, wa shaykh Muqbil, wa shaykh al-Utaymin, rahmatullah alayhim jami'an. Qawl les quatre imams et tout cela. فالله تعالى أعلم الصحيح الاستحباب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك